Chapitre 23e. De plus en plus, il se rendait compte qu'il ne retrouvait l'image de Rose qu'il chérissait qu'aux instants de séparation. Il l'avait trop aimée de loin. Il avait fini par s'établir entre eux un rapport idéal pour lequel la moindre erreur de Rose, le moindre mot qui ne correspondait pas à cette perfection irréelle, était une menace. Au début, il ne s'était pas aperçu de ce désaccord, dans sa surprise de la retrouver, après sa longue absence, plus jeune que dans son souvenir, et puis dans le bonheur de pouvoir lui donner les caresses longtemps rêvées, de jouir enfin de l'enchantement de sa présence désirée. Elle lui était vraiment plus chère que jamais. Mais il n'y avait plus entre eux la faculté de communiquer. Elle s'était abolie, et il ne la retrouvait que dans les dialogues imaginaires, où il faisait lui-même les demandes et les réponses. C'est ce qui lui arriva encore cette fois. Il marcha 2 heures dans la montagne, agité, sans savoir où il en était, mécontent d'elle et de lui-même. Puis il retrouva par degrés le calme et la douceur qui accompagnaient toujours l'image de Rose quand elle venait s'asseoir dans sa pensée solitaire. Qu'avait-il à lui reprocher sur toutes les questions essentielles, droiture, noblesse, bonté dans le sens le plus large? Lui avait-elle jamais paru inférieure dans ses entretiens sans parole? Dans cette affaire des petits Water, se disait-il, je sais bien, et je l'ai dit à Rose, que je me conduis comme un vieux fou. Ce n'est pas défendable, mais c'est humain, et elle finira par en être touchée. Demain elle aura, j'en suis sûr, sa petite solution toute prête, et nous rirons ensemble de la tempête de ce soir. Il ne lui restait qu'un point noir, c'était le remords que lui causait la passion de Rose. Son abdication d'amoureuse et le contraste qu'elle faisait avec sa propre attitude de gêne et d'égoïsme. « Elle m'aime, » pensait-il, « et moi, est-ce que je l'aime ? Si je trouvais ce soir en rentrant un mot de rupture, puis-je dire honnêtement que ce serait la fin du monde ? Une mortification, sans doute, une blessure d'amour-propre. » Et déjà sa vanité souffrait à cette pensée, comme une chair délicate sous laquelle il sentait la pointe de l'affection blessée. Oui, il sentirait tout cela, mais il sentait aussi qu'il s'en consolerait. Il rentra à l'hôtel sans regarder le casier où les touristes, à cette heure, allaient chercher leur courrier du soir. Le portier courut après lui en lui tendant une lettre. Elle portait le timbre de New York et le nom des entrepreneurs à qui Boyne avait dû autrefois quelques-unes de ses plus grosses affaires. Ces messieurs lui écrivaient encore de temps à autre pour le consulter. La lettre, réexpédiée par sa banque de Londres, était sans doute de cette nature. Il la mit dans sa poche pour la lire après dîner. Il s'assit dans un coin du restaurant démodé où le couvert des petites tables avait l'air d'un ancien service de table d'hôte. La bonne vieille table d'hôte du temps de ses parents. Une tranche de gros pain près de son assiette, un bouquet de soucis à demi fanés dans un verre bleu, rien que de la laideur et des choses impersonnelles. Pourtant, il se félicita de n'être pas ce soir à la table du chalet avec son air de rusticité exquise. Ses jattes savantes de fleurs sauvages, ses bougies, sa cuisine recherchée. Il ne les eût pas aimées ce soir plus que le méchant pudding de la pension Rosenglue. Il était subitement heureux d'être tout seul et de se retrouver sans maître. Personne devant qui s'imposer l'effort de se mettre en garde ou de briller. Personne pour le tourmenter ou le ravir. Personne à écouter, pas de réponse à faire. Décidément, je suis un sauvage. Et il vida l'assiette d'eau fade baptisée potage avec un appétit qui le remplit de honte. Morale, voilà trop longtemps que je ne fais rien. Ce qu'il me faut, ce n'est pas du repos, c'est du travail. Et l'idée de renoncer à la vie active pour la vie de bureau, qui lui semblait charmante il y a quelques mois, lui parut soudain intolérable. Trop vieux pour la fatigue, allons donc. Fatigue, privation, voilà ce qui donne du goût à l'ouvrage, comme les calculs de l'ingénieur stimulaient en même temps le cerveau. C'est ce métier-là qu'il lui fallait pour se tenir en équilibre, freiner son imagination, discipliner ses nerfs, lui faire retrouver chaque matin au réveil une philosophie imperturbable de l'existence. Après le dîner, en allumant sa pipe, dans le lugubre petit parloir, il ouvrit la lettre en se disant « Quelle veine si c'était pour m'envoyer à la terre de feu !» Ce n'était qu'une lettre pour demander l'adresse d'un jeune ingénieur que Boyne avait eu sous ses ordres quelques années plus tôt. On se souvenait de l'estime que Boyne avait faite de ses capacités. Il en avait peut-être pour lui, s'il était encore disponible, un emploi intéressant. Boyne, la lettre lue, se renversa dans son fauteuil et soupira. « Bon Dieu, avoir son âge et partir n'importe où !» Tout le reste de la soirée, il rumina cette idée. Faire comprendre à Rose qu'il s'était trompé en se croyant arrivé à l'âge du rond de cuir. Une fois mariée, elle verrait bien que pour son bonheur et pour user ce qui lui restait de jeunesse, il faudrait le laisser repartir pour les expéditions et pour les aventures. C'était le seul remède. À quoi ? Aux sournoises atteintes de l'âge. Évidemment, en tout cas, il fallait partir, c'était fatal. Une fois réglée l'affaire des petits, le mariage célébré et Rose installée à New York, en avant pour la gloire, pour la grande fête de travail, de charpente, d'arc-boutant, pour la grande bataille d'énergie, d'effort, de courbature où l'on se dépense, où l'on s'oublie, où l'on avance. Ah, pour un plan, en voilà un, et il était de taille. Primo, transporter les petits Waters sous l'aile de la grand-mère, ça, il n'en voyait pas encore clairement le moyen. Secondo, le mariage. Tertio, l'évasion, la fuite. Il s'excitait à l'éloquence comme il faisait toujours dans ses dialogues à lui tout seul qui finissaient régulièrement par convertir Rose à ses idées. Parce qu'il éliminait inconsciemment toutes les objections qu'elle aurait pu lui faire. Il se coucha, rafraîchi comme une bouffée de grand air sur cette idée de libération. Comme il n'avait point fixé une heure pour son rendez-vous avec Rose, il décida d'attendre le déjeuner comme d'habitude quand il n'y avait point de projet d'excursion. Il allait souvent le matin chez les petits réfugiés, mais ne sortit pas ce jour-là avant de monter au chalet. Il fut surpris en approchant par une sensation singulière. Pas la crainte d'une scène, Rose était trop intelligente. Non, une sorte de vague anxiété, plutôt une certaine impression de gêne respiratoire, comme si on venait de lui ôter l'air qui était entré la veille dans ses poumons. Il leva les yeux vers le balcon et fit son signal ordinaire. Elle n'était pas là pour l'attendre. Il poussa la porte et monta. Le salon était vide, rangé, propre comme une chambre mortuaire. La petite table à écrire, toujours jonchée de papier, était débarrassée et aucune odeur agréable ne montait de la cuisine. Partie. Elle était certainement partie. Mais pourquoi ? Depuis quand ? Sans un mot. C'était si contraire aux habitudes de Rose de rien faire par coup de tête que Boyne se trouva rempli d'appréhension. Il s'assit dans son fauteuil comme si cela devait suffire à la faire reparaître, à lui faire reprendre place au moins moralement dans le fauteuil en face. Mais non, cela ne suffisait pas. Toujours le même vide, la même absence morale. Elle était bien partie, et son âme avec elle, et cela le laissait en lui un trou inattendu. « C'est idiot !» se surprit-il à dire. Il appela « Rose !» Pas de réponse. Il se leva, et son regard erra de la table à la cheminée. Il aperçut une lettre. Elle était à son adresse. Il déchira l'enveloppe et aussitôt, dans le désarroi et le corps sans âme du petit salon, la voix de Rose répandit le calme de sa raison. « Bien, cher ami, hier, après votre départ, j'ai reçu un radio de tante Julie qui me priait d'arriver au plus vite, si bien que je me décide à prendre une auto pour Padoue et à sauter dans l'Orient Express. Je préfère m'éclipser à l'anglaise sans vous prévenir parce que, à la réflexion, je me dis que mon petit plan, vous vous souvenez que je vous l'ai promis, ne pourra que gagner à mûrir un jour ou deux à tête reposée. Je vous écrirai tranquillement de Paris au lieu de vous parler ce matin dans la bousculade du départ. Je préfère garder intact le souvenir de ces 2 mois de bonheur et ne pas risquer de le gâter par une discussion, même amicale. Je sais que vous me comprendrez. Ces 2 mois de tête-à-tête ont été quelque chose de si complet, de si exquis, que je veux en emporter la mémoire dans toute sa perfection. Je vous écrirai dans quelques jours. En attendant, cher ami, pensez à moi comme je pense à vous, c'est tout ce que peut demander le cœur le plus exigeant. Rose. Il se rassit et lut la lettre plusieurs fois. Si douce et si raisonnable cette lettre, mais si douloureuse. Oui, Rose avait compris que pour quelque temps, il valait mieux se séparer. Il sentit ses yeux se mouiller, Était-ce bien lui qui, l'abeille, en songeant qu'il pourrait apprendre le départ de Rose, se demandait si ce ne serait pas un débarras. Mais en même temps, il imaginait ce qu'aurait été cette journée s'il avait trouvé Rose chez elle. Il se voyait à table, en face d'elle, en train de gâter leur bonheur, comme elle disait, par des discussions, de vaines discussions. Comme elle avait bien fait de s'en aller. Comme c'était spirituel, comme c'était indulgent. Ah oui, il penserait à elle. Maintenant, comme elle à lui. Son cœur le pouvait à présent, sans une ombre de réserve. Bénie, bénie soit-elle de me laisser respirer. Il prit sur la cheminée un œillet sauvage à demi fané, qu'il serra dans son portefeuille avec la lettre et se mit en route vers le village pour envoyer un télégramme. Il le composait avec tendresse tout en marchant. Il s'avançait dans l'air frais et au pied de la colline, une scène fringale lui rappela qu'il n'avait pas déjeuné. Devant lui se montrait la pension Rosenglue. Il était sûr que même si les petits avaient fini, l'institutrice trouverait moyen de lui faire battre une omelette. Cette idée d'une surprise de ses petits amis lui donna un accès de gaminerie et d'allégresse. La porte était ouverte, il traversa le vestibule et entra dans la petite salle à manger où, depuis l'arrivée des pensionnaires adultes, on avait relégué le repas des fauves. Son entrée fut saluée par un chœur d'acclamations à faire trembler les rideaux jusque dans la salle à manger des grandes personnes et de l'autre côté du vestibule. « Est-ce que les bêtes féroces m'ont laissé un os à ronger ? » s'écria-t-il en se calant gaiement entre Judith et sa sœur.